Gaé et Refray sont là. Toujours. Chaque jour. Voilà, pétard. Chaque jour comme ça, tous les jours. Pendant que toi, tu galères. Nous, on est comme ça tous les jours. The Mouzor, Capitaine Jackson. Bienvenue dans la gangsta party. HK baby, y'a des flingues aussi. Plus j'encaisse des briques, plus j'attise ta putain de jalousie. Ceux qui veulent test, on les finit. La mienne est bonne, la tienne est skinny. Mon body fait pas de kiri. Boom. Elle sait que je viens de la city. J'emplis mon cabernet parce que j'ai mal en fait. J'ai de la cause comme un éléphant. Jamais je panique. J'ai les keys comme Alicia. On va se cracher comme Maria. Ou se faire pas besoin de compagnie, j'en pétard comme Tommy. Faut compter jusqu'à pas d'heure. Y'a l'heure du violet caché sous le matelas. Bienvenue dans la gangsta party. Tes cheveux disent des gars. Chaque jour de nouveau test. Chaque jour de nouveau business. Chaque jour. J'ai un dunk et ton, j'ai un sur moi. Efficace comme moi, mais ça là. Les mecs d'à côté ne font que tes mains. Confond pas les girafes, des coffres, la sirène des ambulances. Impossible de rater le coche, les plans sont toujours bien manigancés. Comme son gros cul, on sert en fait. J'pars en mission comme 2x07. Y'a mon Glock dans ta chebou. C'est maintenant que tu penses à négocier. J'suis fasté sur Paris, j'ai sonné toute la nuit. J'ai pas pris mon calibre, les gars nous embrassent toute l'année. Pas besoin d'en compagnie, j'suis pétard comme Tommy. Faut compter jusqu'à pas d'heure. Y'a l'or du violet caché sous le matelas. Bienvenue dans la gangsta party. Tes cheveux disent des gars. Chaque jour de nouveau test. Chaque jour de nouveau business. Chaque jour. Je suis comme un dos et j'ai mal à la tête. C'est mon quotidien qu'il y a dans mes têtes. Je suis comme un dette mais sans remise de peine. On a le cœur, je sais combien on paye. Elle m'a dit laisse-moi te suivre à l'hôtel. J'ai pas capté ce que t'es, quoi les thèmes. Je vais faire ranger des liasses dans mon thème. J'aime trop les raconter dans mon thème. Me parle pas de fiança. J'suis dans le sac. J'ai pas pris mon calibre, les gars nous embrassent toute l'année. Pas besoin d'en compagnie, j'en pétard comme Tommy. J'veux compter jusqu'à pas d'heure. Y'a l'or du violet caché sous le matelas. Bienvenue dans la gangsta party. Tes cheveux disent des gars. Chaque jour de nouveau test. Chaque jour de nouveau business. Chaque jour. Allez, allez.